Quentin Bayot lit un extrait du journal de Franz Kafka. 12 février 1922. La figure de refus que je rencontrais toujours n'était pas celle qui dit « Je ne t'aime pas », mais celle qui dit « Tu ne peux pas m'aimer, si fort que tu le veuilles, tu aimes sans espoir l'amour de moi. » L'amour de moi ne t'aime pas. En conséquence, il n'est pas exact de dire que j'ai connu le mot « je t'aime ». Je n'ai connu que le silence, plein d'attente que mon « je t'aime » eût dû interrompre. Je n'ai connu que cela, rien de plus. Ma peur en lugeant, mon inquiétude en marchant sur la neige glissante, une petite histoire que j'ai lue aujourd'hui, tout cela fait surgir une idée à laquelle je n'ai longtemps accordé aucune importance et qui est toujours toute proche. Je me demande si mon égoïsme insensé, la peur que j'éprouve pour moi-même, non pour un moi supérieur, mais pour mon vulgaire bien-être, ne serait pas la seule cause de ma déchéance. De sorte que celui que j'ai envoyé me châtier serait sorti de moi, une forme particulière du « la main droite ne sait pas ce que fait la gauche ». Dans le bureau où se fait ma comptabilité, on continue à compter comme si ma vie commençait demain. Pendant ce temps, je suis arrivé au bout.